Afin d'utiliser ses ranges au côté, il faudrait se mettre à donner des coups de pied à tous ces moutons qui déambulent dans la rue. Qu'est-ce que je meurs d'envie de leur donner le cul. Ça n'a que 12 ans et se fringue comme une pute. Et on critique les vieux contre 50 piges en rude. Je n'approuve pourtant pas la pratique pédophile. C'est la faute de l'influence de la mode dans les villes. Faut tabasser les gros à coups de papeau. Faut tabasser les gros à coups de papeau. La bêtise humaine est partout dans la région. Je connais qui se plaignent mais personne passe à l'action. Faut tabasser les gros à coups de papeau. Faut tabasser les gros à coups de papeau. Dans leur cervelle faut mettre du plomb. Baisse les gros, baisse les gros. Tous ces mecs homophobes s'est reculé, sont par contre bien contents de le faire subir à leur femme, persuadés que lorsqu'un gars est homo, ils vont se faire accrocher. On voit que ça vole pas haut dans leur crâne. Faut tabasser les gros à coups de papeau. Faut tabasser les gros à coups de papeau. La bêtise humaine est partout dans nos régions. Je connais qui se plaît, mais personne passe à l'action. Faut tabasser les gros à coups de papeau. Faut tabasser les gros à coups de papeau. Dans leur cervelle pour mettre du plomb. Baisse les gros, baisse les gros. Je tiens à préciser, ceci est un appel au meurtre.